Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Fontanelle, écrivaine et journaliste. Sophie, bonjour. Quel âge avez-vous ce matin? Ce matin, j'ai 8 ans. Mais je suis en pleine croissance. Peut-être j'aurai 100 ans ce soir. Rides, tout doit disparaître? Ça m'arrange pas du tout qu'on dise tout doit disparaître. Parce que j'ai la ferme intention de devenir une sorte d'égérie ride. Je pourrais devenir une égéride. Avez-vous déjà eu envie de faire peau neuve? Je fais peau neuve dès que je m'amuse, dès que je suis heureuse. Je fais peau neuve le soir, je fais peau neuve le matin. Je sais pas, finalement, je fais jamais peau vieille. Merci Sophie. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. Merci Tiffaine, très bon après-midi à vous. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vie du préfet Haussmann a d'abord été une longue marche vers la reconnaissance. Parti très vite sur les chemins de l'ambition, il fut secrétaire général de préfecture dès ses 22 ans. Mais son ascension fut rapidement entravée et c'est la quarantaine passée, à la faveur de l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, que son zèle va trouver un défi à sa mesure avec les travaux de Paris. Sa biographie, c'était l'objet de l'émission de lundi dernier. Vous pouvez la retrouver en ligne. Notre invité était Georges Valence. Et puis mardi avec Nicolas Chaudin, nous nous sommes attardés sur ces grands travaux qui l'ont rendu célèbre. Cette œuvre autant sanitaire qu'esthétique pour celui qui avait été traumatisé par l'épisode du choléra durant le carême 1832 qui avait replongé la capitale en plein Moyen-Âge. Enfin hier, nous avons fait un pas de côté pour nous intéresser à deux architectes qui ont aussi marqué le Second Empire, quoique n'étant pas toujours d'accord avec les options d'Haussmann, Charles Garnier, l'auteur de l'Opéra de Paris, et Gabriel Daviau, à qui l'on doit notamment le théâtre du Châtelet. Et aujourd'hui ? Monsieur Haussmann est, comme chacun sait, un décorateur émérite. Un véritable prestidigitateur. Il a su mettre à exécution d'une façon brillante les grandes idées de son seigneur et maître. Paris. L'ancien Paris. Déplaisait au souverain. Son génie et peut-être bien sa personne s'y trouvaient mal à l'aise. Il dit un mot, et à l'instant nous avons vu s'écrouler, disparaître en décombres ses maisons disgracieuses, ses quartiers infects, la honte de la grande cité. Et au signal d'une baguette vraiment magique, s'ouvrir de grandes voies, de splendides boulevards, sortir de la terre par enchantement, casernes, palais, monuments sans nombre. Nous avons vu les colonnes se hisser sur un nouveau piédestal, les ponts reculer leurs arches séculaires et prendre l'alignement, les rues tortueuses se redresser, des bois féeriques se peupler d'ombre, de lacs et de cascades, et tous les vieux quartiers de l'ancienne cité revêtir une tunique blanche pour fêter l'ère nouvelle et réparer à la façon des coquettes les injures du temps. Émule des faits, M. Haussmann a, avec l'aise de nos finances et le levier du crédit, véritablement accompli des prodiges et, lundi, lors de l'inauguration du boulevard Sébastopol, il ajoutait un fleuron à sa couronne de baron. Extrait du journal de Madame Baroche à l'occasion de l'inauguration du boulevard de Sébastopol en 1858. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la journée « Quelles idées neuves pour 2020 » et à l'occasion de la Nuit des idées, nous interrogeons l'œuvre d'Haussmann avec un regard contemporain en nous demandant si le Paris inventé durant le Second Empire pourrait être un modèle de la ville de demain. Nous le faisons avec vous, Umberto Napolitano. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte. En 2017, vous avez dirigé avec Benoît Jallon et Franck Boutet l'exposition Paris Haussmann au pavillon de l'Arsenal à Paris, qui avait donné lieu aussi à un catalogue édité par le pavillon de l'Arsenal. Et vous partiez d'un constat. À la question « citer un modèle de ville durable », personne ou presque ne penserait à donner pour réponse le centre de Paris. Et pour vous, c'est pourtant cette réponse qu'il faudrait donner. Bonjour. Oui, effectivement, on s'était interrogé, mais avec un regard de praticien, c'est-à-dire de personnes impliquées dans le processus de construction de la ville, en tant que architecte ou urbaniste. On s'était questionné parce que Paris a en soi certaines des choses, certaines des valeurs, certaines des caractéristiques que l'on cherche aujourd'hui dans la ville de demain. La première est vraiment très forte, est le fait que Paris est la ville la plus dense d'Europe. Mmh. Paris est la ville la plus dense d'Europe sans tours, sans immeubles verticaux. Et c'est une densité, pour vous donner une échelle, c'est la cinquième au monde, je crois, c'est la même que Shanghai, et dans certains arrondissements, c'est la même que Dakar. New York n'a pas une densité plus importante à Manhattan ? Non. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette densité n'est pas ressentie comme telle. Dans toutes les opérations que l'on fait aujourd'hui, on est en train, dans tous les nouveaux quartiers qui se développent, dans lesquels nous-mêmes on prend parti. Avec l'agence LAN, donc. Avec l'agence LAN, oui. On est quasiment à la moitié de la densité construite sous les grands travaux et le Second Empire. Et pourtant, mille fois, on entend une sorte de réception de cette densité par l'utilisateur, par le citoyen, par l'usager, qui est beaucoup plus forte que celle, finalement, du centre de Paris. Alors, tout de même, on entend beaucoup de Parisiens trouver qu'il y a beaucoup de monde autour d'eux. Quand ils prennent les transports en commun, ils ont quand même l'impression d'être très serrés. Ils entendent aussi beaucoup leurs voisins. Est-ce que la densité est si bien acceptée que ça ? En tout cas, par rapport à la réelle densité de Paris, oui, parce qu'on est typiquement au double de ce qui se fabriquait dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. On a comparé pour... Dans les immeubles des cités-jardins, des villes nouvelles. En fait, dans la construction de la ville moderne, nous sommes dans des paramètres qui sont tout à fait différents. Et aujourd'hui, quand il y a eu le Polytechnique de Zurich qui a fait une étude super intéressante en comparant, en fait, en parallèle, la densité réelle et la densité ressentie à travers deux livres, avec exactement les mêmes cas d'études, le même corpus. Et ce qui est drôle, c'est que en réalité, la densité ressentie est très loin d'être finalement celle qui est construite. Alors pourquoi du coup, vous qui construisez dans des nouveaux quartiers, des immeubles dont je comprends que la densité est plus faible que dans le Paris haussmannien, pourquoi construisez-vous ce genre d'immeubles moins denses ? Je pense que la question n'est pas l'immeuble, parce que l'immeuble est très dense, mais c'est ce qui est extrêmement, du coup, à travers l'étude d'Haussmann, on s'est interrogé, mais pourquoi finalement cette densité est ressentie comme, elle n'est pas ressentie comme quelque chose de imposé, de violent, de très dur. Pourquoi finalement elle est en partie acceptée? Elle est acceptée aussi parce qu'on voit bien que le prix de l'immobilier monte, alors que dans les quartiers peu denses, le prix de l'immobilier descend. Donc il y a un intérêt, il y a une attraction vers la densité. Qui tient à quoi? Au fait qu'on est proche des centres de décision? Un équilibre. Déjà, partons du principe pourquoi on s'intéresse à la densité. On s'intéresse à la densité parce que le futur de la ville est dans arriver à faire accepter une certaine densité. Quelle est la bonne jauge? On ne sait pas. Mais en fait, plus on construit sur un territoire, plus en réalité, on est en train d'éviter l'étalement et on ne construit pas sur d'autres territoires. Sur la même quota, quelque part, on sauvegarde de la vraie nature. On sauvegarde des territoires qui peuvent être productifs, des territoires qui peuvent être... En tout cas, c'est une question vraiment écologique. Comment arriver... On évite de faire Los Angeles. Exactement. On évite l'étalement, on évite le suburbia, cette ville qui s'étend à sans fin, cet urbain. Vous savez, la définition de ville, selon le modèle occidental, part d'une distance entre deux bâtiments de 200 mètres et un centre habité de 2000 personnes. Mmh. Ça veut dire que une mairie, une église peut-être. Toutes les villes. Et donc, en réalité, nous, comme société, il faut se questionner sur comment finalement se rassembler en paix pour partager les ressources, partager les énergies, partager les transports, ce qui arrive à Paris, créer une vie active et essayer de faire communauté. Et tout ça, ça passe par le choix de la bonne densité. Paris est peut-être excessif. Mais alors, du coup, je repose ma question. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on fait un choix en termes de densité dans les nouveaux quartiers de Paris qui n'est pas le meilleur ? C'est une question compliquée et je pense que c'est pas du noir et blanc. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne place pas la densité. En fait, ce qui est extraordinaire dans Paris, c'est le fait que le vide est chargé d'une intelligence incroyable. Et c'est le juste vide. C'est-à-dire, quelque part, les rues étaient un peu trop petites quand elles étaient conçues, mais vers l'idée d'une ville piétonne, ben les rues deviennent parfaites. La distance entre les immeubles, elle est peut-être à la limite, mais en réalité, quand on commence à voir comment les immeubles sont faits, ben on voit que la lumière pénètre partout, etc. Et que du coup, en fait, ce vide qui peut paraître, il est distribué partout. C'est-à-dire, on avait fait une carte à l'époque qui était noire et blanc. Ce qui était vide était blanc, ce qui était construit était noir. Et on a presque les mêmes proportions de vide dans l'îlot, dans l'immeuble, dans la gaine technique. Il y a une espèce d'expression et utilisation du vide qui est incroyable. Et aujourd'hui, souvent les bâtiments sont très denses, mais la distance entre les choses est encore à calibrer. Donc, dans les nouveaux quartiers, en réalité, le vide, il est juste moins intelligent, on va dire, que le vide du début du siècle. Alors Umberto Napolitano, est-ce qu'on a perdu en intelligence tout au long du premier XXe siècle? Parce que, en effet, comme on l'évoquait au début de l'émission, l'espèce de grande vague de construction de l'après-guerre et des villes nouvelles semble avoir complètement oublié cette idée de densité. Et pourtant, c'était justement ce qu'on disait à l'époque, c'était très bien de vivre dans le grand air avec des immeubles qui se trouvaient dans des parcs. On est revenu donc de ça. Haussmann, pour vous, avait raison par rapport, disons, à Le Corbusier? Encore une fois, c'est difficile de dire qui a raison. Ce qui est vrai et dans votre question, c'est le fait que finalement, le mouvement moderne avait fait une tabula rasa sur tout ce qui était passé. C'était une véritable rupture, sociétale, technique, technologique et une rupture culturelle surtout. Donc on avait cette envie d'un homme nouveau. Donc c'est aussi ça qui est très ambigu dans le mouvement moderne. On avait envie d'un homme de nouveau, d'une ville progressiste, d'une ville. Il suffit de regarder la charte d'Athènes, il suffit de regarder les incisions dans les immeubles de Le Corbusier, celui de Marseille par exemple. Cette forme de vie héliotropique où on suit le soleil, on le voudrait toute l'année, on voudrait de la verdure partout, et finalement on revient sur la base de l'urbanité qui est quand même la définition de l'espace collectif, de la rue, de la place, de ce qui est commun entre les immeubles. Et ça a été une rupture telle qui s'est poursuit culturellement jusqu'au moment, moi, à l'école, j'ai continué à étudier de manière très claire et très nette des subrogas d'une culture qui s'était quelque part éteinte 30 années auparavant. Et donc, nous, par l'Expo, on s'est juste dit, mais attendons, regardons s'il y a des choses positives. On a eu 21 siècles de construction de la ville, regardons s'il y a des choses positives avant, puisque le moderne nous a, en un siècle pratiquement, montré ses limites. Les limites en France, on avait les zones d'urbanisme prioritaires. Oui. Ils ont construit 14 millions de logements en 14 ans, quelque chose d'absolument faramineux comme opération, toute basée sur la même idée de la ville. Et beaucoup de ces quartiers sont aujourd'hui des quartiers extrêmement problématiques. Il n'y a pas que l'architecture et l'urbanisme, mais en tout cas, on a vu qu'on a perdu cette capacité à faire ville dans l'après-moderne. Est-ce que c'est précisément le schéma de la ville haussmannienne qui rend les quartiers plus vivables? Donc on comprend que pour vous la réponse est oui, mais il y a des villes où on ne vit pas dans des grands immeubles. Je pense à la ville de Baltimore par exemple, qui est une ville de petites maisons où la criminalité est très grande. Est-ce qu'on peut faire un lien entre une ville haussmannienne et une qualité de vie appréciable qui fait que ça évite un certain nombre de dérive des habitants? En fait, je tiens à faire une précision par rapport à la question. Moi, je ne pense pas que la ville haussmannienne est le modèle à reproduire. Au contraire, nous connaissons tous les défauts de ce système urbain. Qui sont, du coup, cette extrême proximité ou de temps en temps une forme de monotonie parce que les immeubles ont été plus ou moins faits tous dans la même période avec les mêmes matériaux et les mêmes systèmes. Mais en même temps, on n'a jamais vraiment regardé les aspects positifs. Et ce qui nous intéressait, nous, c'était de fabriquer un instrument qui puisse nous permettre de penser les choses sur lesquelles il faut vraiment réfléchir à Baltimore ou à Paris. Mmh. Et ce sont les mêmes. Les mêmes, c'est quelle densité, comment je fais un tissu intelligent, réversible, connecté, autant en urbanisme des longues distances que des courtes distances. En réalité, il y a plein de choses et tout passe par comment j'arrive à fabriquer le vide. Et l'architecture est ça. On va aller là au bout du balcon, là on est au cinquième étage. Alors, on est donc au carrefour du boulevard Haussmann, du faubourg Saint-Honoré, et on est rue de Monceau, tout au coin, et là on a la rue Washington. Alors devant nous, on voit la tour Eiffel, on aperçoit les Champs-Élysées là-bas, et bien devant nous, vous avez la plus belle leçon d'histoire de Paris, parce que vous avez le faubourg Saint-Honoré avec le petit immeuble bas, là, dans lequel il y a un traiteur. C'est véritablement des vieux immeubles parisiens qui datent du début du 19e siècle et tout. C'était le faubourg Saint-Honoré, un immeuble de faubourg. Et puis vous avez, si on se recule un peu ici, on voit là-bas derrière des ateliers d'artistes. Il faut savoir que dans ces quartiers s'installaient des ateliers d'artistes parce qu'on était hors la ville. Et puis arrive Haussmann en 1860, et alors il crée le boulevard Haussmann, donc il coupe. Et donc vous voyez cette espèce de déchirure extraordinaire qui fait que plus rien ne va avec. On amène les immeubles haussmanniens, balcon au deuxième, balcon au cinquième, l'hôtel Plaza, là-bas l'immeuble d'Angle, celui qui est en face, le nôtre, pour fabriquer de la ville. Mais là, ici, il y a un véritable collage. Donc il y avait un trou entre un morceau du 18e, un morceau 1860, et dans les années 20, sur une parcelle étroite de 6 mètres, on fabrique un des plus beaux monuments de Paris pour moi, qui est cet immeuble en métal et en verre, qui est vraiment la théorie que je considère, que la ville n'est jamais finie, que toujours dans les trous, il y a toujours un trou dans lequel on peut ramener quelque chose. Et là, la technologie du métal et du verre a fait que sur une parcelle extrêmement étroite, on a construit ce merveilleux immeuble en métal et en verre, qui est juste là au début du faubourg Saint-Honoré. Puis ensuite, un autre immeuble haussmannien qui se casse sur les immeubles du 18e qu'il y a après. Et donc, c'est vraiment pour moi la matrice de la ville, cette espèce de collage, c'est cette histoire sédimentaire. La ville se fabrique toujours sur elle-même. La ville n'arrête pas. La ville, elle n'est jamais finie. Elle est toujours. Quand elle ne se fabrique plus en créant des nouveaux bâtiments, elle se refait à l'intérieur d'elle-même. La Compagnie des œuvres sur France Culture, et nous venons d'entendre l'architecte et urbaniste Antoine Grimbach interrogé par Françoise Soloron. C'était en 1993. Umberto Napolitano, est-ce que vous avez le sentiment, comme Antoine Grimbach, que le modèle de la ville haussmannienne a permis à la ville d'évoluer et que finalement c'est un modèle qui est assez ouvert pour accueillir d'autres types d'architecture ou de pensée architecturale? Ça c'est clair, parce que les faits nous l'ont montré. En réalité, ce qui est très intéressant du modèle haussmannien, c'est qu'il n'est pas dogmatique. Il ne dit pas il faut faire comme ça, comme ça et comme ça. En réalité, c'est un travail qui part du réseau urbain, du dessous et du dessous, de l'infrastructure et de la superstructure. Donc les égouts, les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, les rues, les boulevards, de gaz à l'époque. Toute la création d'un maillage territorial. Du maillage, il passe à l'instrument qui permet finalement cette flexibilité qui est très différente que les autres villes du monde, qui est un îlot incroyablement flexible. Alors c'est quoi l'îlot ? Un îlot, c'est ce qui est, à Paris surtout, c'est ce qui est défini par les rues en fait. C'est un ensemble c'est de un bâtiments, bloc, quoi. C'est un bloc, c'est le bloc new-yorkais, c'est le plan Cerdà de Barcelone. Et à Paris, c'est extraordinaire. Parce que dans l'expo, du coup, jusqu'à là, l'îlot haussmannien était un îlot triangulaire qui donnait ce fameux immeuble d'angle que l'on voit un peu partout à Paris. Parce que, étant donné que les tracés, Paris, quand on schématise, Haussmann l'a rendu radial et radiocentrique. Radial par les arrondissements et en fait ce système de rayons qui part du centre, et radiocentrique parce qu'il connecte par certaines créations de nouvelles voies le centre de Paris avec l'extérieur de Paris. Et du coup, dans ce système, en fait, les géométries de ce qui restait, il fallait en faire des bâtiments. Et il fallait les assembler. Et donc, nous avons, du coup, pour avoir une idée claire de ce que c'était l'îlot à Paris. Donc, l'îlot, c'est un ensemble de bâtiments, et c'est un ensemble de bâtiments dont certains datent d'un siècle de différence. C'est ça qui est extraordinaire. On l'a entendu dans la partie de Grimbach, c'est, on accueille au sein d'une même structure urbaine des bâtiments qui étaient déjà là, des bâtiments qui sont arrivés dans les années avant-guerre, et des bâtiments qui continuent à se construire aujourd'hui. Cet îlot, on a créé un logiciel pour finalement les analyser tous et essayer de comprendre s'ils avaient quelque chose en commun. Et l'énorme découverte, c'est qu'en fait, on les a classifiés par géométrie, on s'est dit, ok, il y a des îlots qui ont trois faces, quatre faces, des polygones, en fait, qui ont des géométries très différentes, qui ont des tailles très différentes. Un îlot, à Paris, est aussi un immeuble. Il y en a un qui est rue de Touraine, de laquelle je suis totalement fasciné, qui est juste un immeuble qui est tenu par trois rues et qui, du coup, prend une forme très belle, à côté de la rue de Bretagne, plus ou moins dans cette partie-là. Et il y en a qui font un kilomètre de longueur. Plus on est vers le 9e, 10e, plus les îlots sont très grands. Mais ils ont quelque chose en commun. Et ils ont le fait que n'importe quelle soit la forme, la géométrie et la taille, ils ont tous la même densité. C'est comme si la ville avait une logique fractale. C'est comme si on prenait n'importe quel berceau de Paris, il a le même rapport entre vide et plein, il a le même nombre de mètres carrés fabriqués. C'est merveilleux. Mais ça, est-ce que c'est Haussmann ? Est-ce que c'est lui qui a dit, voilà, la densité de Paris, ce sera ça ? Ou est-ce que finalement, c'est un petit peu empiriquement, au moment des travaux d'Haussmann, qui est responsable finalement de cette définition de la densité parisienne ? C'est un ensemble de facteurs. La Paris du Moyen-Âge était déjà dense en soi, mais toutes les villes à l'époque étaient très denses parce que les rues étaient petites, les tissus se fabriquaient sans... les travaux d'Haussmann, comme c'est du moderne, tendent à l'hygiénisme, au fond. Tendent à trouver la juste distance entre les choses pour que les maladies ne se propagent pas ou pour qu'on puisse veiller sur la sécurité urbaine. On est protégé du coronavirus grâce à Haussmann. Exactement. Alors. Non, mais en tout cas, à la question de est-ce que tout est voulu ? Je ne pense pas, mais en tout cas, est-ce que ça s'est fait à partir de ce moment-là ? Oui, parce que les règles urbaines ont été mises. En fait, cette génération entre vide et plein, elle se fait à partir de 3-4 règles, occupation du sol, gabarit, distance entre les choses. Et ces règles-là remontent plus ou moins à la période des grands travaux. Est-ce qu'il avait, du coup, selon vous, une forme d'intuition quand même, Haussmann, qui fait que quand on l'analyse, bien plus de 100 ans après, on retrouve un petit peu cette espèce de nombre d'or de la densité qui vous semble finalement rendre la ville de Paris plus agréable que d'autres villes ? Je ne sais pas si la question de la densité était vraiment posée comme telle. Haussmann, c'était vraiment, c'était sous la construction d'une capitale moderne, intelligente, parce que tous les travaux ont cette, la question de l'inconnu, de l'avenir. Pensez qu'en réalité, quand on commence à superposer le réseau des grandes percées, en fait, et tous les grands boulevards parisiens, en fait, le réseau primaire, ce qu'on a défini le réseau primaire, c'est-à-dire les rues qui font entre 20 et 70 mètres. Les grandes avenues, en fait. Les grandes avenues, et correspondent parfaitement à les lignes de métro. Les deux plans peuvent superposer, et ces lignes de métro se font finalement dans des espaces qui étaient presque réservés. On ne savait pas que le métro serait arrivé, mais on a trouvé, en fait, dans ce qui était les sections, en fait, où on faisait passer l'eau et le gaz, en fait, l'espace, finalement, pour des choses à venir. Donc, il y avait une vision de l'inconnu, de l'avenir, qui était déjà traitée, mais je pense pas que la question de la densité était vraiment sur table. Alors, ce qui est assez aussi impressionnant, c'est que 75%, je crois avoir lu ce chiffre, dans votre catalogue de Paris a été transformé par Haussmann, c'est quand même un chiffre extrêmement impressionnant, mais ça veut dire aussi qu'il en reste 25% de la ville ancienne. Et donc Paris a cette particularité que peut-être peu de villes ont, que la ville moderne s'est faite vraiment à l'intérieur de la ville ancienne. Ça c'est clair. Je précise deux, trois choses. En fait, dans la carte à laquelle vous faites référence, en fait, nous avons essayé de comprendre l'influence des grands travaux sur le système urbain parisien pour comprendre finalement si c'était un projet voulu et donc un modèle potentiel. Et nous avons pris comme corpus d'études, en fait, les bâtiments qui ont été faits, sous les bâtiments, les rues, en fait, la Paris qui a été fait dans les années d'Haussmann, donc 53-70, et en réalité, par tous les règles et les successeurs qui, jusqu'à 1914, en fait, ont continué ce qui était déjà en place. Et dans ces 60 ans, effectivement, si on prend une carte et qu'on met en noir juste ce qui était construit dans ces 60 ans, ben on découvre que c'est entre 65 et 70% de Paris, que ce soit les immeubles ou que ce soit les rues. Donc c'est Haussmann et ceux qui l'ont suivi qui ont poursuivi dans les 60 ans, dans les 60 ans avant-guerre, où certains systèmes, du coup les crédits étaient les mêmes, les immeubles se construisaient de la même manière, les règles sont restées les mêmes, et les grands travaux initiés à ce moment ont juste continué. Et du coup, dans ce cadre-là, dans ces 60 ans, on retrouve la matrice urbaine de toute la ville, qui prend en compte ce qu'il y avait avant et qui est surtout resté, donc le 25-30% auquel vous faites référence, en réalité, c'est tout le reste. Tout ce qui ne rentre pas dans cette période de 60 ans, c'est inscrit au sein d'un système totalement ouvert qui pouvait accueillir autant l'immeuble qui arrivait en 1960, autant celui qui était déjà là au Moyen-Âge. Il y a d'autres exemples de villes dans le monde qui fonctionneraient de la même façon, qui auraient concilié comme ça l'arrivée de la modernité avec quand même une conservation de certains quartiers historiques. C'est drôle, parce que, en fait, l'autre ville qui me semble avoir eu un moderne qui n'était pas dogmatique mais qui s'est totalement adapté à la ville, donc un moderne qui quelque part s'est hybridé d'un système qui était déjà là, ben c'est l'autre ville qui m'appartient un peu, qui est Naples. Naples, elle fonctionne comme ça. La modernité est arrivée, un peu mélangée avec le fascisme, un peu après, et en réalité a trouvé un système urbain qui était basé sur l'îlot, qui avait beaucoup de choses en commun avec celui parisien dans certains quartiers, et qui finalement a accueilli la modernité au sein d'une structure qui était déjà en place. Je ne sais point de ville au monde où la rêverie ambulatoire soit plus agréable qu'à Paris. Regrette qui voudra l'ancien Paris. Mes facultés intellectuelles ne m'ont jamais permis d'en connaître les détours, bien que, comme tant d'autres, j'y ai été nourri. Aujourd'hui, que de grandes percées, trop droites pour l'œil artiste, mais éminemment sûres, nous permettent d'aller longtemps, les mains dans nos poches, sans nous égarer et sans être forcés de consulter à chaque instant le commissionnaire du coin ou l'affable épicier de la rue. C'est une bénédiction que de cheminer le long d'un large trottoir sans rien écouter et sans rien regarder. État fort agréable de la rêverie qui n'empêche pas de voir et d'entendre. Extrait d'un texte paru dans Paris Guide de Georges Sand. Est-ce que Georges Sand finalement a mieux compris que les autres l'intérêt de l'urbanisme haussmannien, Umberto Napolitano, et notamment l'un des intérêts principaux qui est de pouvoir marcher comme ça le long des boulevards dans cette ville qui, on le sait, va devenir la capitale mondiale de la flânerie. C'est vrai. Donc oui, c'est étonnant, je ne connaissais pas ce texte. Et il se rapproche beaucoup de quelque chose qui retourne assez souvent en urbanisme, qui sont les études de Gavin Lynch, qui avait essayé de... Tu peux nous rappeler qui il est ? C'est un chercheur, en fait, qui a défini à un moment donné la question de la lisibilité urbaine. De la lisibilité urbaine, c'est-à-dire de la compréhension du tissu. Savoir où on se trouve finalement exactement, dans la ville. Savoir où on se trouve, mais ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire, du coup, créer les signes dans la ville qui font que, de manière assez naturelle, on puisse s'identifier dans un système construit. Et Paris est incroyablement forte pour ça. Du coup, encore une fois, on ne sait pas si c'est voulu ou pas voulu, mais en tout cas, l'héritage des grands travaux a été le fait que l'urbanisme parisien est un urbanisme de longue distance, donc il connecte le centre à l'extérieur, c'est ce qui était voulu, les grands boulevards. Mais surtout, étant donné qu'une partie de la ville était déjà là, ben du coup, il crée des sous-zones et ça, qui sont pour des pratiques extrêmement... en fait, la question de la marche, par exemple, de la connexion du local à Paris, est très forte. Paris est la ville dans laquelle on marche le plus en Europe. Alors vous donnez d'ailleurs 53, des chiffres assez impressionnants là-dessus. Oui. Et c'était avant. Je pense qu'aujourd'hui, si on refait avec les nouveaux transports, la nouvelle mobilité douce, je pense que ces chiffres sont encore à la hausse. Mais en tout cas, 53% des déplacements à Paris se font à pied. 21% à Londres et 16% à Lisbonne. Pour donner des comparatifs. Et en fait, pourquoi ? Parce que finalement, c'est ce qui donne un autre chiffre impressionnant, qui est Paris est de loin devant les autres sur la quantité de vie dans le tissu urbain. Ça se mesure par les services et on est à 3 fois New York. Et cette marchabilité, en quoi elle est due à Haussmann ? Elle est due à Haussmann parce qu'en quelque sorte, La ville par Haussmann s'est clarifiée. Donc, la question radiocentrique et radiale a structuré des quartiers. Et au sein des quartiers, en fait, les rues ont commencé à s'embellir. Les immeubles ont eu toujours un rez-de-chaussée qui est dédié finalement à l'activité urbaine. Ce qui fait qu'en fait, rapidement, on a retrouvé tout à proximité. Et le fait d'avoir tout à proximité, et le fait aussi que Paris est une ville qui fondamentalement est petite, si vous comparez à l'intérieur du périphérique, la surface de Paris à d'autres villes européennes, pensez à Rome, à Londres, on est à la moitié en terre des grandes villes. Donc les déplacements, par la facilité, par le fait que les rues avaient une espèce de nombre d'or, comme vous dites, où il y a une forme de proportion qui nous... Malgré le fait que Paris soit une métropole, elle reste quand même très, très domestique et très domesticable, en quelque sorte. Le fait qu'on retrouve tous les services et que ces services peuvent évoluer avec le changement de la ville, pensez à la rue où vous habitez, je suis sûr que dans les derniers 10 ans, il y avait des cafés qui sont disparus, il y a des supermarchés qui sont arrivés, il y a d'autres services que, en tout cas, il y a une forme de service à la rue qui fait que, souvent, on n'a pas besoin d'aller trop loin pour trouver ce qu'on veut. Alors, est-ce que, justement, la piétonnisation qui est en cours et dont on parle beaucoup en ce moment de Paris correspond aussi au schéma d'Haussmann? C'est-à-dire, est-ce que ça peut marcher dans l'idée d'Haussmann, dont on sait quand même, et vous l'avez rappelé, Umberto Napolitano, qu'il s'agissait de rendre la ville plus rapide. Les grandes avenues, c'est quand même pour faire passer des flux plutôt, alors à l'époque, de voitures à cheval. Bon, et puis ensuite, ça s'est très bien adapté à la voiture. Est-ce que la ville haussmannienne, les grands boulevards par exemple, s'ils étaient piétons, est-ce qu'ils ne seraient pas du coup trop larges? Peut-être. En tout cas, ce qui est fortement intéressant quand on compare le maillage parisien aux autres maillages, ce qu'on avait fait pendant la recherche, on avait classifié les rues par leur largeur. Et on avait trouvé un réseau primaire, en fait, où les rues allaient de 70 mètres à 20 mètres. Le deuxième réseau, il allait de 19 mètres à 9 mètres, et le troisième de 9 mètres jusqu'à 70 centimètres, qui est la rue la plus étroite de Paris. 70 centimètres? Oui, c'est une petite rue. Entre deux immeubles, je crois que ça s'appelle le passage du chat. D'accord. Et vous le verrez sur le catalogue. Mais je peux me tromper sur le nom, sincèrement, parce que là, ça fait 2-3 ans. Mais en tout cas, ce qui est incroyable dans cette superposition, c'est que finalement, la lecture urbaine de Paris est tridimensionnelle. Pensez à Barcelone, les rues ont toutes la même largeur. Pensez à New York, les rues ont toutes la même largeur. Pensez aux grandes interventions qui se sont structurées dans l'après-guerre. À Paris, on a un réseau de longue distance qui est très large, un réseau local qui fait les îlots avec des rues qui sont plus ou moins beaucoup plus à l'échelle humaine, et un troisième réseau quand l'îlot est trop grand qui vient de servir au centre de l'îlot. Et ça fabrique cette flexibilité d'usage. Si je vais la voiture, je vais sur les grands boulevards. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, je peux, au sein d'une même plaque, arriver à me balader très facilement. Umberto Napolitano, on va continuer cette conversation avec vous sur le modèle de la ville haussmannienne dans quelques minutes, juste après notre traditionnelle chronique du jeudi. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Antoine Fenolio, designer, cofondateur du studio Les Sismos, mais également avec la philosophe Cynthia Fleury du séminaire Design with Care, ainsi que du certificat philosophie, éthique et design au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Bonjour à vous Antoine. Bonjour Mathieu. Et vous avez voulu mettre en regard le projet haussmannien avec notre présent, et d'abord en vous replongeant dans l'époque du baron lui-même. Oui, à l'époque du baron d'Haussmann, je me suis demandé finalement comment on pouvait regarder les choses, notamment géographiquement. Alors je me suis dit, on va regarder 400 km au nord et puis 400 km au sud. Alors 400 km au nord, il y a ce grand projet londonien de Joseph Paxton, qui est un jardinier qui va créer une énorme serre, le Crystal Palace, en s'inspirant notamment des nénuphars, puisqu'il était jardinier, c'était un spécialiste des nénuphars amazoniens. Il va se dire finalement, ces nénuphars avec cette très grande portance, comment je peux faire pour que sur un bâtiment, je puisse construire un espèce de mécano qui serait construit pas sur place, à base de verre, à base de fonte, et qu'on viendrait construire sur place. Ah, donc c'est le nénuphar qui est à la base de la modernité de l'architecture anglaise. Bon, ça, c'est bien de le savoir. En tout cas, sur ce bâtiment-là. Donc cette serre géante, elle est vraiment géante. C'est-à-dire qu'on parle quand même de 560 mètres de large. On y a fait des événements un peu dingues. Il y a des dinosaures échelle 1 avec un restaurant sur le dos du dinosaure. On y joue les finales de coupe de foot anglaise. Et puis, il va périr un petit peu par où il a pêché. C'est-à-dire que, comme souvent les innovations, quand elles ne montrent pas leurs petits défauts, en fait, il y avait une très grosse structure de bois pour tenir tout ça. Et il va finir par brûler après avoir été déconstruit et reconstruit. Et puis, 400 km au sud, c'est la Creuse, un département dans lequel j'habite volontiers. Et dans la Creuse, il va y avoir à cette époque la première grande migration de travail qui va concerner jusqu'à 2/3 des hommes en âge de travailler qui vont venir construire le Paris d'Haussmann. Donc ça va être tous ces ce qu'on va appeler les paysans maçons qui vont avoir un savoir-faire notamment de tailleurs de pierre, de couvreurs, de charpentiers, et qui vont venir amener cette forme aussi d'esthétique particulière et de tradition qu'on va retrouver chez Haussmann. Alors vous me parlez de 400 km au nord puis 400 km au sud. Comment est-ce que ce que vous venez de dire illustre finalement la pensée de la ville haussmannienne, le projet haussmannien? Ce que je trouve intéressant dans ces deux extrêmes, c'est finalement peut-être que dans les innovations urbaines ou architecturales qui perdurent, il y a cette espèce de balance, une part de regret et une part de progrès. Ce regret, si on peut l'appeler regret, c'est en tout cas d'utiliser un matériau qui est très noble, qui est perçu comme celui de la construction. Donc la pierre. La pierre, voilà. Et puis ce progrès, c'est bien sûr tout ce dont on a parlé, cette construction un peu systémique, cette manière de prendre le projet d'abord par son dessin, EIN, et après par son dessin IN, puisqu'on va à la fois creuser les égouts, faire arriver le gaz, faire rentrer la lumière, mais qui est aussi l'entrée, j'allais dire, du capitalisme dans la ville. C'est-à-dire que plus que la lumière, on fait rentrer la vitesse. Et c'est ce dessin-là qui va aussi, à mon avis, construire la ville d'Haussmann. Alors, qui est-ce qui serait en mesure aujourd'hui de repenser la ville, selon vous ? Alors, sans forcément bouleverser Haussmann et tout détruire, on pourrait se dire, ça serait probablement pas un préfet, peut-être un jardinier, hein, si on pense à Paxton, peut-être un mathématicien, on ne sait pas si un jour quelqu'un venait à se présenter comme ça, et puis bien sûr, pourquoi pas une philosophe, puisqu'on a parlé de philosophie. Donc si on écoute Cynthia Fleury sur ce thème-là, elle peut nous dire, finalement, le premier architecte de la ville, qu'est-ce que c'est ? C'est le soin. Alors si on se dit, on prend la ville haussmannienne sous cet angle-là, et en plus de faire rentrer la lumière, faisons rentrer le soin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas le soin simplement dans la santé, c'est par exemple le soin au pilier de la démocratie, c'est le soin à la biodiversité, à la nature, c'est le soin à l'individu. Donc si on valorisait par exemple les piliers de la démocratie, quelle serait la place des écoles ? Quelle serait la place des hôpitaux ? Quelle serait la place des lieux de justice ? Cette biodiversité, comment elle arriverait ? Comment elle pourrait faire venir aussi toute l'alimentation ? Et puis l'individu, l'individu peut-être que demain, avec toutes les reconnaissances faciales, etc., ça serait pas mal qu'on lui propose dans cette ville une forme de soin qui serait celle de pouvoir furtiver, de pas toujours être capté, saisi, et finalement de s'appartenir et de ne pas appartenir qu'à la ville. Probablement un projet qui pourrait se faire en gardant tout Haussmann. Donc le nouveau Haussmann est quelqu'un qui ne va pas utiliser tellement le tractopelle, mais plutôt être un peu davantage en finesse sur les besoins des habitants, si je vous comprends bien. Antoine Fenoglio, merci beaucoup. On peut retrouver en ligne vos conférences au CNAM avec Cynthia Fleury. À très bientôt. La Compagnie des œuvres, nous inscrivons aujourd'hui dans la journée spéciale Quelles idées neuves pour 2020 sur France Culture, avec un dernier épisode de notre série consacré au Baron Haussmann et à la vision sur la contemporanéité de son œuvre par l'architecte Umberto Napolitano de l'agence d'architecture LAN. On est là ici dans votre antre, Antoine Grimbach. Oui. C'est une antre lumineuse quand même, ce n'est pas la caverne primitive. Au cinquième étage d'un immeuble haussmannien. Un immeuble haussmannien, comme je l'ai, avec lequel on a fabriqué tout Paris en moins de 15 ans. Et c'est pour moi, ça m'intéresse beaucoup d'habiter là-bas. Oui, j'ai habité là, ça a été ma maison en même temps que mon agence, maintenant ce n'est plus que mon agence, mais d'habiter dans un endroit qui est comme une petite brique avec laquelle on a fabriqué tout Paris, parce que cet immeuble-là, c'est l'archétype de tous les immeubles haussmanniens de Paris, parce qu'il y a l'immeuble sur rue, une petite branche avec la cour, et avec ça, on fabrique tout Paris, toujours les mêmes. Toujours le balcon au deuxième, le balcon au cinquième, la cage d'escalier à l'articulation de la cour pour avoir la lumière naturelle, l'escalier de service au bout, ce qui a permis à ces appartements de se diviser en un appartement sur cour et un appartement peut-être plus prestigieux de façade. Pour moi, c'est un morceau d'anthologie de la fabrication de Paris. C'était de nouveau l'architecte et urbaniste Antoine Grimbach qui décrivait quelques caractéristiques de l'immeuble haussmannien, parce que le baron ne s'est pas contenté de tracer des rues et des avenues, il a aussi défini un certain type d'immeuble, Umberto Napolitano, et c'est beaucoup à cause de cet immeuble, grâce à cet immeuble, que pour vous la ville de Paris a des caractéristiques qui lui permettent, mieux que d'autres villes, d'affronter la modernité. On va parler donc avec vous de cet immeuble. Il faut d'abord dire que c'est un immeuble que vous considérez comme étant généreux. Alors qu'est-ce que ça signifie, un immeuble généreux ? En tout cas, il était dans la manière de se fabriquer déjà, parce que en fait, l'immeuble haussmannien n'est pas vraiment ça ne se définit pas, parce qu'il n'arrive pas avec Haussmann, mais c'est un système tout d'abord de financement qui arrive avant Haussmann. Oui, dans les années 1825. Exactement. Déjà voilà. Avec Rambuteau, et on appelle ça un immeuble de rapport. C'est un immeuble de rapport, en fait, qui est la figure qui nous fait passer de la conception de l'hôtel particulier, en fait, à un immeuble que l'on construit quelque part pour le louer, et avec la rente, on paye finalement le crédit, et donc on fait du patrimoine. On peut faire une parenthèse là pour dire que c'est important dans le financement, finalement, des grands travaux d'Haussmann. Mais c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment faire que les privés, en fait, s'adossent un projet de ville. Ce qui a été très fort sous Haussmann, je pense pas que c'était très démocratique dans le chemin, mais en tout cas, ce projet de la capitale moderne était un projet qui était porté par les financements privés. Donc quelque part, et ça se retranscrit d'ailleurs dans certaines caractéristiques de l'immeuble. Donc cet immeuble de rapport, en tout cas, c'est l'outil utilisé finalement pour construire. Et pour cela, il fallait qu'il soit quelque part générique. C'est-à-dire, on savait pas pour qui on construisait. C'est pas comme un hôtel particulier. Donc, on le fait d'abord, et après, on le loue. Moi, j'ai dit généreux, mais vous dites générique, alors c'est pas exactement mais la même chose. Généreux aussi, mais tout d'abord générique. Et ça s'est fait, donc, en architecture, vous savez, pendant le moderne, on a longtemps utilisé cette expression hyper connue, la forme suit la fonction. Eh ben, sous Haussmann, c'était pas vraiment le cas. Parce qu'en fait, la façade avait un rôle incroyable, qui était la définition de la rue. Donc, malgré que ce soit privé, elle appartenait à un imaginaire public. Alors, on a retrouvé des actes de vente où vous imaginez bien que le préfet allait chez le notaire dire au potentiel acheteur, vous voulez ce terrain, il faut que vous alignez vos fenêtres à vos voisins, il faut que vous utilisez de la pierre de taille, il faut peut-être que vous, en fonction de votre investissement, vous regardez sur ce catalogue, cet autre ou l'autre. Et en réalité, du coup, la façade était presque une imposition dans la clause du contrat de la vente, ce qui fait qu'on n'avait même pas appelé l'architecte. Donc l'architecte arrivait derrière et il fallait qu'il adapte son plan, sa fonction, son usage, sa structure en fait architecturale à un projet de façade qui était déjà là. Bon, ça doit pas être très bien pour les architectes, ça. Parfait, ça s'est révélé quelque chose de super intéressant. Et c'est une méthodologie qu'aujourd'hui on... En fait, si vous voulez, le projet des logements, ce sont des projets très complexes. En fait, vous construisez quelque part la maison de quelqu'un qui va y habiter, et en même temps, c'est à travers le logement que vous construisez une ville. L'identité d'une ville se fait souvent par la somme des projets de logements qui sont construits. Donc, quelle est l'imbalance entre l'intérêt totalement privé de la personne, son libre arbitre, et finalement ce projet collectif que l'on porte tous. Et souvent, cette crispation est entre, en architecture, ça se relève être une crispation entre plan, du coup usage, et façade. Mm-hmm. Chez Haussmann, ce que nous avons hérité, donc je ne sais pas si c'était voulu, je ne sais pas si c'était vraiment, s'il faisait avec la conscience, ce que nous avons hérité, ça a été un immeuble durable. dans en quel sens durable, qui a un mot qui est utilisé totalement dans tout l'imaginaire écologiste, il y a le mot durable. Et même aujourd'hui, totalement repris par les politiques, dans n'importe quelle campagne, ils ont le mot durable. Eh bien, durable, c'est tout d'abord quelque chose qui dure. Et ces immeubles, qui durent, ça veut dire qu'il y a la capacité d'évoluer avec la société qui l'utilise. Mmh. Et ces immeubles sont une grande leçon d'évolutivité. Alors pourquoi sont-ils très évolutifs, ces immeubles? Pensez qu'ils ont été construits finalement pour être loués avec un système social qui était famille, service, etc. Donc du logement, mais dans un cadre de logement qui n'existe plus aujourd'hui. Ils sont devenus, en un siècle, des bureaux, des écoles, ils sont revenus des logements sociaux, des hôtels. En fait, avec la même structure, la même construction, nous avons su, enfin, ils ont su, finalement, accompagner les besoins qui étaient inconnus. Mais alors, un immeuble qu'on construirait aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en faire du logement, puis du logement social, puis des bureaux? Qu'est-ce qui fait la différence, finalement? Alors, cette forme de réversibilité, nous avons essayé de comprendre déjà qu'est-ce que dans l'immeuble de rapport était intéressant qu'on pourrait reproduire aujourd'hui. Toute cette étude, tout notre intérêt pour Haussmann est venu d'un projet que nous faisions au boulevard Perrer, où on s'était dit, mais un projet qu'on avait gagné, et on s'était dit, comment refaire aujourd'hui un immeuble parisien sans copier le langage du parisien? Donc, comment faire un immeuble qui a la même intelligence intrinsèque? Donc, les caractéristiques finalement profondes d'un immeuble. Et c'est très difficile de le faire aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que depuis Haussmann, on a industrialisé la construction, on a standardisé. Vous pensez que pour couler du béton aujourd'hui, et la France est le pays dans lequel les bétonniers sont devenus des protagonistes totaux de la construction de la société. Si vous pensez que le téléphone et l'entreprise ont le même nom, ça vous fait comprendre... L'entreprise commence par un B. Par exemple, ça vous fait comprendre l'emprise qu'il y a le béton en fait, dans notre société. Et aujourd'hui, le béton se coule dans une bâche, elle est structurée par rapport à une hauteur standard de logement, c'est-à-dire un moment où on a décidé que le logement devait faire 2,60 m sous plafond. Et à partir de là, le logement ne sera plus jamais du bureau. Ce qui est parce qu'il faut une hauteur sous plafond plus grande pour les bureaux. Parce qu'il y a un contrôle de l'air qui est différent. Donc aujourd'hui, on fabrique de manière très stricte des logements à 2,80 m, des bureaux à 3,60 m. Et ce qui était incroyable dans l'immeuble de rapport, c'est que tout ça était un épanelage dans le même immeuble qui correspondait à l'époque à certainement à des usagers très différents du service aux différentes classes sociales. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce qui interroge aujourd'hui notre pratique, c'est de dire ces immeubles ont arrivé finalement à proposer au sein de la même structure une mixité au palier. Donc il faut redire que chaque étage de l'immeuble de rapport haussmannien, ou tout du moins peut-être pas chaque étage, mais enfin il y a des hauteurs sous plafond qui sont différentes si vous êtes dans l'entresol, si vous êtes dans l'étage noble, ou si vous êtes au cinquième étage qui est l'étage sous les combles, et que ça permet justement des usages très différents d'un seul immeuble et une grande réversibilité des usages. Et surtout... au sein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des usages différents? Pourquoi on veut des usages différents? On pourrait se dire à quelle raison? La mixité est le cœur de la ville. La mixité est la base à partir de laquelle nous construisons un projet collectif. Donc, si les quartiers sont habités par les mêmes personnes, qui ont les mêmes revenus, qui viennent des mêmes classes sociales... C'est un peu le cas dans le centre de Paris, dans le Paris haussmannien, non? Moins que dans d'autres conditions. Vous savez, moi-même, j'ai fait un quartier à Hambourg, où on a laissé voter aux citoyens chacun des choix qui devaient être faits. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement, c'est le ghetto le plus radical que j'ai jamais produit. Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a tous les avocats qui habitent dans un immeuble, il y a tous les personnes qui se rassemblent, qui habitent dans un autre immeuble. C'est effrayant. Ouais. Donc Haussmann, c'est l'immeuble de la mixité. Haussmann produit cette mixité. Si vous voyez, Haussmann, l'immeuble de rapport à la parisien. Haute densité, donc la demande d'utilisation de l'espace, plus une structure qui le permet, parce que les hauteurs sont différentes, parce que... pensez au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée dans l'immeuble de rapport est quelque chose d'incroyable. Il peut se connecter à l'entresol ou au premier. C'est toujours un escalier entre sans passer par la le magasin du rez-de-chaussée et puis l'entresol. Ça permet à un McDonald's qui arrive de dire « je prends le rez-de-chaussée, premier étage ». Et si 5 ans après ça ne marche pas, ben il y aura une boulangerie au rez-de-chaussée, un étudiant au premier étage. Cette forme de offre volumétrique, les chambres de bonne, qui ont fait l'objet d'un projet de la part d'Hidalgo, en disant on les récupère, il y a des espaces qui sont utilisés. Enfin, il y a une espèce de réserve spatiale, d'une offre spatiale que les immeubles contemporains extrêmement... Il y a une forme de générosité, oui. On ne savait pas calculer une structure comme on la calcule aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur l'optimisation. Donc, quand on fait un mur, on le fait pour les charges qui lui sont dédiées. À l'époque, on faisait un peu plus gros. Qu'est-ce que ça voulait dire avoir plus de matière? Ben, pouvoir creuser un trou, pouvoir appuyer de nouvelles choses. Cette forme de hyperstaticité est super intéressante. Alors, est-ce que ça veut dire que vous, Umberto Napolitano, avec votre agence LAN, vous imaginez des immeubles où les hauteurs sous plafond sont plus grandes au rez-de-chaussée, puis moins grandes après? Est-ce que vous tirez les conséquences, finalement, dans vos bâtiments d'aujourd'hui, des constats que vous avez faits à partir de la ville haussmannienne? Tout le temps. Tout le temps, et à la Biennale de Venise de Leandro Ravenna, nous étions l'agence française à représenter la production de certains logements. Et le projet, par exemple, qu'on avait amené à Venise était un projet avec une réserve spatiale, une espèce de vide en plus. Les gens achetaient 100 mètres carrés, ils avaient 180 avec 80 mètres qui étaient un espace évolutif, qui pouvait accompagner l'évolution de cette famille, qui pouvait être autoconstruite, qui pouvait en tout cas suivre. La question de comment faire pour que les formes, pour que l'architecture ne soit pas une réponse, mais qu'elle soit génératrice de potentiel et qu'elle puisse, en quelque sorte, accompagner l'évolution, c'est la question primordiale de notre agence. Un garçon, il est grand. Pas peur du soir. Des pieds à la tête. De la tête aux pieds. Plus fine. Et c'est toujours la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture, avec une émission consacrée donc à Haussmann, vue d'aujourd'hui avec Umberto Napolitano. Et puis aujourd'hui, la construction de la ville, c'est quand même beaucoup la question de la durabilité dans le cadre du réchauffement climatique. Et vous nous expliquez, Umberto Napolitano, que finalement à Paris, c'est très bien, on n'a plus rien à faire. Haussmann a tout fait avant nous, c'est une ville parfaitement économe qu'il nous a construit. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Non, j'ai jamais dit ça. Mais il y a des valeurs liées au projet d'Haussmann qui sont super intéressantes. Encore une fois, la question de la densité, de la résilience de la ville, la question de la flexibilité des immeubles, la question de l'identité. Pensez que Paris, par exemple, ce qu'on a du mal à fabriquer aujourd'hui, surtout, je pense, c'est l'identité des nouveaux quartiers. C'est-à-dire une structure qui puisse fabriquer une mémoire collective très forte dans laquelle on puisse se reconnaître. Et pourquoi on ne reprend pas la structure haussmannienne alors? Parce que ce serait involutif et réactionnaire, mais parce qu'on peut se questionner sur d'autres modèles. C'est-à-dire la limite de cet exercice aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas répliquer un mode constructif qui était il y a un siècle. Donc il faut le réimaginer aujourd'hui avec les valeurs qu'il porte. Sur la question de l'identité, il y a quelque chose qui est super fort à Paris. C'est peut-être la seule ville au monde où si vous montrez une photo de deux fenêtres, un volet et un garde-corps, sans montrer de place, d'église ou de monument ou de signe iconique, vous savez que vous êtes à Paris. Paris a cette identité très forte qui s'est fabriquée par le fait que, un, les immeubles étaient tous plus ou moins construits au même temps, deux, avec la même matière, qui venait d'une... Alors là, c'est durable parce que c'est des carrières qui sont locales, la pierre de Paris. Locales, et quand la pierre est finie, on est allé la chercher dans l'Oise. Et ça se faisait, surtout, était issu de la pré-révolution industrielle, où on commençait le processus de préfabrication. Et ce qui est très beau, c'est que les immeubles, pratiquement, si on les décompose, c'est des immeubles construits sur catalogue. C'est-à-dire tous les éléments de ferronnerie, toutes les portes, en fait, tout ce qui n'était pas pierre, venez de pendant l'expo, on les avait montrés. Alors justement, c'est ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve trop monotone finalement, cette ville sur catalogue, et on essaye, je crois en tous les cas, de demander à chaque architecte que son immeuble ait une spécificité stylistique. Je pense que c'est fini, fort heureusement. C'est-à-dire, on va arrêter ça. Il y a eu un moment en France avec les ZAC, les zones d'aménagement concertées, où justement pour, comme on sortait d'une période où de forte standardisation des choses, ben du coup on a repris la question urbaine sous un modèle qui était un peu naïf, de dire on travaille sur le tissu et après chaque architecte arrive et il met sa propre... Et ça, ça peut pas marcher selon vous ? Ça a pas trop marché parce que justement ça a fabriqué un espèce de collage souvent... sous un chapeau tenu par l'écologie, mais ça n'a pas été très intéressant. Aujourd'hui, on est dans une espèce de juste milieu où on se questionne, et là-dedans, il y a des questions économiques qui reviennent, c'est-à-dire on vient de comprendre que même si on peut importer une matière de Chine ou d'Inde ou de n'importe quel autre système économique peut nous permettre d'avoir un avantage de l'acquisition, ben on va chercher plus ou moins à 100 km de là où on est. Ce qui réduit le nombre de choix. Réduire le nombre de choix et les partager est super intéressant. Il y a une expérience qu'on fait en ce moment, on est urbaniste et architecte pour la construction du quartier d'Amédée Saint-Germain à la sortie de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Ben on a partagé avec les autres un abacus en se disant, est-ce que c'est pas intelligent de partager la même matière pour le garde-corps des immeubles. Oui. Est-ce que c'est pas intelligent? Un peu comme Haussmann en fait disait, chaque façade devra comporter un balcon au premier et cinquième étage. Mais pour revenir sur la question de la ville écologique, vous expliquez dans le catalogue de l'exposition Umberto Napolitano que finalement l'îlot, avec ses immeubles qui sont blottis les uns contre les autres, permet de conserver la chaleur en hiver et le froid en été. Oui, ça c'est vraiment compliqué à expliquer du coup, mais on va essayer de la faire, je vais essayer de résumer. Une des caractéristiques majeures de la tenue climatique d'un immeuble est sa compacité, c'est-à-dire la capacité qu'il a, l'interface en fait qu'il échange avec l'extérieur. Plus un immeuble est compact, ça veut dire que moins de façades j'ai, plus probablement déjà j'ai fait un pas vers une économie énergétique. Par contre, plus l'immeuble est compact, plus j'ai pas de lumière dans les cages d'escalier, les plateaux sont très longs, très larges. Une tour est un immeuble très compact parce que j'ai un noyau central. Et on n'a pas accès à l'air et on n'a pas accès à la lumière quand on est au milieu de la tour. Alors, ce qui est incroyable, c'est que nous, pendant des années, on pensait que l'îlot haussmannien était compact. Enfin, que l'immeuble haussmannien était compact. Et après, quand on a commencé à voir, enfin, un immeuble construit dans cette période, il fait 7-9 mètres de profondeur. Ce qui n'est pas très large. Ce qui n'est pas très large comparé aux standards actuels qui sont de 12 à 18. Ce qui veut dire que dans 7-8 mètres de profondeur, j'ai une fenêtre sur la cour, une fenêtre sur la rue et j'arrive à refaire tout l'aménagement toujours proche de la lumière. Les cuisines avaient de la lumière, les cages d'escalier avaient de la lumière. Certes, le vide était minère qu'aujourd'hui, mais il y avait quelque chose de très fort. Donc l'immeuble, finalement, s'est découvert comme quelque chose de pas très compact. Mais en même temps, la mitoyenneté, donc le fait de partager un mur avec son voisin, qui est un mur globalement aveugle, les fameux pignons parisiens, en fait, font qu'en assemblant plusieurs immeubles, on arrive à une forme, la compacité se mesure, en fait, aujourd'hui, on arrive à une forme plus compacte de ce que l'on construit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça donne une espèce d'assemblage sous l'énergie et les économies qui se fait au niveau de l'îlot et un bâtiment que, quant à lui, il a de la ventilation naturelle, il travaille sur des épaisseurs qui sont très intéressants. Donc ça, vous prenez ces idées-là aussi, alors, dans vos projets d'architecture? Quand c'est possible, oui. Après, il y a des réalités économiques qui sont très complexes. Je vous parlais tout à l'heure de l'immeuble de la 17e. Vous savez, aujourd'hui, un standard pour dire un immeuble, il peut changer de logement à bureau. C'était l'expérience qu'on a fait dans le 17e. Ça veut dire que le plancher, en fait, il peut supporter une certaine charge, 180 pour les logements et 250, 260 pour les bureaux. Mais ça, c'est de l'argent. Donc, quand vous pouvez le faire, vous le faites, mais vous n'avez pas forcément l'argent pour le mais faire. Mais c'est surtout une question pédagogique de partage, de dire, construire veut dire d'abord fixer une limite de temps. Pour combien de temps on construit? Alors, vous êtes italien, vous êtes venu travailler ici à Paris. Quel est votre attachement à cette ville, j'ai envie de dire stylistiquement parlant, et en particulier à la ville haussmannienne? Est-ce que vous l'aimez, cette ville, quand vous vous promenez à l'intérieur? Mais j'en suis pratiquement obsédé, à tel point que finalement, j'ai décidé de voter. Mais en tout cas, je vous suis me là. Dites pas encore pour qui, mais c'est bien. Pas encore. Gardez le. Je suis là depuis 97. C'était pas vraiment un choix au départ, et finalement, la ville vous prend au piège. C'est une ville. Aujourd'hui, moi, j'enseigne à New York et à Londres, donc je vis d'autres réalités métropolitaines, si vous voulez. Mais à Paris, il y a un équilibre incroyable entre beauté, proximité des choses et cosmopolitanisme. Ben voilà, qui va faire plaisir aux Parisiens qui en ont parfois besoin. Merci Umberto Napolitano. Je rappelle que vous êtes cofondateur avec Benoît Jallon de l'agence d'architecture LAN et co-commissaire d'une exposition sur Haussmann qui a eu lieu en 2017 au pavillon de l'Arsenal. Il en a été tiré un catalogue disponible chez Park Books, pavillon de l'Arsenal. C'était la compagnie des œuvres Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Swad Boukorza. La semaine prochaine, figurez-vous que nous parlerons des Beatles dans la compagnie. Je vous renvoie, si vous aimez l'architecture, sur la série que Les Chemins de la Philosophie consacre à cet art précisément cette semaine. Dans un instant, les sciences.